Allez, vous êtes prêts, les gars? Allez, on y va alors, hein? En Italie, quand il fera chaud, ce sera pire qu'à Mexico. En Italie, quand il fera chaud, ce sera pire qu'à Mexico. Si t'as plus de lire, t'as plus de billets, viens donc voir le match au café. Ah, ah, allez les diables rouges en Italie. Ah, ah, allez les diables rouges en Italie. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Et comme l'écrivait Jules César dans les colonnes sportives du soir. Et comme l'écrivait Jules César dans les colonnes sportives du soir. De tous les peuples de la Gaule, les Belges ont le meilleur football. Ah, ah, allez les diables rouges en Italie. Les diables rouges en Italie, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Les Italiens ont leur public. Les Italiens ont leur public. Les Hollandais ont leur Gullit. Les Hollandais ont leur Gullit. Les Argentins ont leur Diego. Avec Enzo, on a ce qu'il faut. Ah, ah, allez les diables rouges en Italie. Ah, ah, allez les diables rouges en Italie. Attention à la tourista, pas de lasagne, pas de pizza. Attention à la tourista, pas de lasagne, pas de pizza. Les spaghettis, c'est pour les nouilles, on veut des frites et puis des moules. Ah, ah, allez les diables rouges en Italie. Ah, ah, allez les diables rouges en Italie. Ramèneront la coupe à Baudouin. Quand que le lance et ses copains ramèneront la coupe à Baudouin. On sera tous sur la grande place, mettons près les bacs de Mars. Ah, ah, allez les diables rouges en Italie. Ah, ah, allez les diables rouges en Italie. Ah, ah, y'a que le Mans, y'a que le Mans en Italie. Michel, Michel Bonhomme, Michel Bonhomme en Italie. Ah, ah, à Georges Gros.